tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille.